Wir haben so schlimm gefragt vor dem Maya. Du sagst, die Lehrer keine Garage. Minen das und die Jura, Schokolade ist voller Partie der Garage. Hab wieder war mit Sami der Postmarie, ja, war mit der Tunisie, wie die Schau und Nummer noch um mit die Schee. Schau, pas die Lehrer, die Lehrer, die Lehrer. Aujourd'hui, vous êtes toi, c'est le Maya qui veut tout, machallah. Je te souhaite du bonheur, la richesse, la santé, des enfants, une vie peinard. Je prierai pour toi et pour madame, fini traîner jusqu'à 4h du mat. Pour débloquer, mais c'est un choix, vive toi dans le regard des remparts. Aujourd'hui, c'est jour J, faisons place à la femme et au mari. On oublie les soucis, c'est le top de Chilex sur la mairie. Les amis sont contents, les enfants sont contents. La madre est contente, même le patron il est content. C'est toi, aujourd'hui on casse tous les gants. Ta femme, la planète fait qu'on est minou. Et je danse comme Mila quand je rentre au milieu du Congo au Mali, vas-y fais ton malin. Je danse comme Mila quand je rentre au milieu du Congo au Mali, vas-y fais ton malin. Aujourd'hui c'est jour J, faisons place à la femme et au mari. On oublie les soucis, tu le portes et tu l'es sur la mairie. Les amis sont contents, les enfants sont contents. La madre est contente, même le patron il est content. Arima,